Monsieur Fabien. Velman. C'est ça. Scénariste de bande dessinée, d'animation et de cinéma. Son intervention s'intitule du bon usage de l'impensé dans la littérature populaire et la bande dessinée de genre. Merci bien. Voilà, je vous tourne la parole. Je vais peut-être me mettre au milieu, non? Si vous voulez rester là, je vous passe le micro. Oui, j'aurais juste deux, trois images à faire passer. Ils sont sur quoi? Sur une clé USB. Il faut que je débranche là. Excusez-moi, Père Lacane. Non, mais ça va, je prépare la chose, j'enlève la clé USB. Voilà, je pense qu'on a assisté à une transformation silencieuse de mon temps de parole. C'est-à-dire qu'on va passer d'une demi-heure à 10 minutes. Chrono. Non, mais je vais essayer. De toute façon, vous m'excuserez juste, je vais lire ma communication parce que je suis très bavard. Et si je me cantonne pas à ce que j'ai prévu, ça, on va pas s'en sortir. Donc, je vais simplement, vous m'excuserez du côté d'être un tout petit peu magistral de la chose. Ça va être bon. Ok. Bah, je. Allez-y. Oui. Voilà. Peut-être il y a une personne qui pourrait passer les. Parce que je vais être de l'autre côté. Passer les illustrations. Voilà. Je dirais lesquelles sont. Sur la piste, sur la quête. Ouais. On aura 7. C'est pas énorme. Alors, c'est sur une clé. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle apparaît. Ça doit être. Peut-être U-Disc. C'est vraiment un tout petit document. Hein, c'est... Encore au-dessus. Voilà, non, en dessous, voilà celui-là, je pense. Spirou ? Oui, enfin, on commencera par Spirou. Voilà. Spirou, c'est sympa. Oui, c'est exactement. Alors, je vais donc essayer d'aller relativement vite. Avant de commencer, je tiens à remercier, bien entendu, sincèrement, François-Julien, pour cette invitation. Très inattendue, je vais y revenir, qui a fait suite à notre rencontre au Salon du Livre francophone de Vienne, l'année dernière. Je remercie aussi, bien entendu, Kea qui nous accueille. Alors je me présente, je suis scénariste de bande dessinée, créateur de la série Spirou, justement. Aussi de la... Alors, bon, Spirou, c'est pas moi qui suis le créateur, bien sûr, c'est... en fait, c'est Rob Bell qui l'a créé, c'est Franquin qui l'a repris. J'ai aussi créé, par contre, une série qui s'appelle Seul, dont on verra... Non, j'ai plutôt parlé de Green Manor, qui est une autre illustration qui suit. Là, ce sont des nouvelles criminelles autour d'un club londonien de l'époque victorienne qui se divertissent en organisant des meurtres parfaits. Donc on est plutôt dans de la littérature de genre et de l'intrigue à énigmes. Et puis j'ai créé la série Seul, qui met en scène des enfants perdus dans les limbes et échappant à des dangers divers. Donc là, c'est la troisième illustration, on pourra rester sur celle-là pendant un moment. Donc vous voyez qu'on est très très loin de la philosophie, c'est pour ça que ça m'a fait un choc d'être invité. Mais je pense quand même qu'il y a une pertinence à ma présence ici, je vais essayer de le démontrer. Ma première rencontre intellectuelle avec le travail de François Julien s'est faite par le biais d'une interview entendue sur France Culture qui m'a amené à d'abord découvrir l'essai « Penser d'un dehors » avant de dévorer moult autres livres avec avidité, pas complètement persuadé d'en comprendre toutes les subtilités, mais enthousiasmé par les réflexions que ces lectures déclenchaient en moi. Car, je tiens à préciser, je revendique fermement le droit à une utilisation décomplexée de la pensée d'un philosophe, et la fécondité d'un essai ne me semble heureusement pas toujours liée à une compréhension parfaite et totale des concepts qu'il recèle. Et de fait, j'ai pas toujours tout compris, mais il y a une bonne partie des choses que François Julien développe qui m'ont nourri. En préparant cette intervention, j'ai été obligé de me demander de manière plus précise de quelle manière ce travail avait impacté ma façon de travailler. C'est une question assez délicate, en fait, assez compliquée, parce que cette influence a pu prendre des formes très différentes d'un projet à un autre, agissant souvent de manière souterraine, à la manière de rhizome, je dirais, mais parfois aussi de manière beaucoup plus directe, plus ponctuelle. Quand, par exemple, dans un ouvrage de science-fiction que j'ai apporté ici, qui s'appelle « Les derniers jours d'un immortel », je vous le ferai circuler si vous voulez, j'ai cité l'éloge de la fadeur, mais d'une manière complètement ironique, parce qu'on est dans un futur lointain où les plaisirs sont chimiques, complètement décuplés, et que du coup, il y a toute une tirade qui est inspirée de l'éloge de la fadeur, mais d'un personnage qui en fait est en train d'évoquer la fadeur d'une simple orgie sexuelle. Parce que dans le futur, une orgie, c'est quelque chose de tout à fait banal, hein, alors qu'on pourrait prendre des produits chimiques, des amphétamines qui nous emmèneront beaucoup plus loin. Donc c'était une manière de montrer aussi que la notion de fadeur, elle peut être très délicate à situer en fonction de là où on se situe. Bon, après mûre réflexion, il m'a semblé que les livres de François Julien avaient été particulièrement féconds par leur effet réfléchissant, presque au sens d'un miroir, en proposant par un écart une sorte de miroir à reflets proches et lointains. Ces concepts m'ont permis d'analyser, de repenser, et donc de mieux comprendre les mécanismes d'écriture que j'utilise généralement de manière plutôt intuitive. Je vais donc essayer de mettre à plat un petit peu ces mécanismes. En particulier la manière dans la littérature que je vais qualifier de genre, je vais y revenir, qu'est-ce que j'appelle la littérature de genre, la manière dont on utilise une forme d'impensé, mais dans un sens qui sera bien sûr un peu différent de celui qu'on utilise en philosophie. Ce qui m'a frappé en fait en découvrant les livres de François Julien, c'est une forme d'étrange familiarité qu'a eu immédiatement pour moi cette démarche, à savoir, bon, je vais essayer de la résumer, ça sera un peu maladroit, s'éloigner aux antipodes de son sujet d'étude pour en avoir paradoxalement une vision plus claire, avant d'y revenir, encore tout imprégné de ce point de vue extérieur, en ayant mis en lumière le temps de ce détour, quelques-uns des angles morts qui se cachent dans notre manière de penser. Avec le recul, je pense en fait avoir inconsciemment établi un parallèle entre cette démarche et celle de tout artiste, ou auteur ou scénariste comme moi, qui lui aussi va faire régulièrement un pas de côté vis-à-vis de son œuvre, pour obtenir peu à peu une vision globale, que l'on n'aura jamais en restant collé au matériau qu'on travaille. C'est l'image d'un sculpteur, en fait, qui est le nez collé à sa sculpture pendant un moment du travail, mais qui doit prendre quelques pas de recul. Alors, à ce moment de l'intervention, j'ai pensé utile d'ouvrir une parenthèse sur mon propre cheminement psychologique, personnel. C'est pas tant pour flatter mon narcissisme, enfin, même si ça fait plaisir quand même, mais plutôt parce que je pense important que ma parole soit située, que vous sachiez d'où je parle, en fait. Et aussi pour vous aider à comprendre pourquoi j'ai personnellement développé, je crois, cette aptitude à faire un pas de côté, et comment cette aptitude m'a été par la suite utile constamment en tant que scénariste. Alors j'ai toujours eu depuis l'enfance un tempérament super anxieux, et bon, les raisons de ce trait de caractère, elles sont très nombreuses et complexes, j'ai une psy pour ça, donc je vous en fais grâce. Il vous suffira ici, et puis il y en a un certain nombre ici, il vous suffira de savoir que cette anxiété m'a amené à toujours tout faire pour éviter les surprises désagréables. J'ai jamais rien détesté autant que d'être pris au dépourvu face à une situation ou un comportement inattendu, par exemple, d'un individu. Alors, cette anxiété m'a amené d'une part à développer un univers imaginaire personnel et rassurant, c'est-à-dire en fait, attendez que je récupère juste, ce que j'appelle l'univers personnel et rassurant, c'est typiquement celui qu'ont tous les enfants qui se retrouvent face à une feuille de dessin et qui finalement vont créer leur propre univers pour s'y réfugier. Je pense que la plupart des artistes et des auteurs sont justement des gens qui d'abord se réfugient dans un univers d'imagination pour se protéger du réel. Donc ça, c'est une des choses que j'ai développées. Et vous allez voir qu'il y a toute une série d'autres stratégies en fait que j'ai mis en place qui sont plus des stratégies de psychanalytique, on va dire ça comme ça. Ce que je vais appeler développer une forme de mobilité d'esprit permanente vis-à-vis du monde réel. C'est-à-dire que j'ai tout d'abord envisagé indispensable devant toute situation nouvelle de constamment envisager tous les scénarios possibles, en particulier les pires, ce qu'on appelle de l'anticipation, je crois, négative en termes de psychanalyse. Alors j'étais en fait bercé par la douce illusion qu'en pensant même l'impensable, je pourrais m'en prémunir. Illusion dont je suis un peu revenu depuis, en réalisant que cette stratégie parvenait surtout, en général, à me pourrir la vie, tout de suite, sans pour autant empêcher les emmerdements à venir. Ma seule éphémère satisfaction pouvant être, par exemple, en recevant une tuile sur la tête, de me dire « Enfin, ça faisait 10 ans que je l'avais prévu !» Maintenant, ce qui est intéressant, je rebondis quand même un peu sur ce qui s'est dit, il peut y avoir visiblement, et ça serait intéressant d'en discuter, une façon d'utiliser cette scénarisation complète de tous les possibles. Elle a été évoquée dans le petit film par un industriel chinois, donc ça m'intéresserait de voir, quand même de revenir sur cet aspect beaucoup plus positif, en fait. Il est évident, par contre, que cette scénarisation de tous les possibles, c'est ce que j'utilise constamment pour créer mes récits. Alors j'ai aussi élaboré de subtiles stratégies d'évitement, me permettant de ne pas être mêlé de trop près à des situations identifiées comme potentiellement dangereuses. Ou bien alors en m'en approchant un peu, certes, mais d'une manière oblique, indirecte, en tournant autour du pot. Cette notion de biais, je vais y revenir. Je crois par exemple pouvoir dire que le choix de me diriger vers la bande dessinée, qui est considérée encore maintenant comme un art mineur, a été une manière détournée de m'approcher de la littérature dite classique, mais sans me confronter directement au fameux statut du commandeur que représentent des auteurs comme Proust ou Dostoïevski. Enfin, une de mes dernières stratégies de défense a consisté à tenter de me faire aimer par tout le monde. C'est aussi un grand classique, la psychanalyse. Bon, il y a plein d'autres raisons qui expliquent que je fasse ça, mais c'en est une. de manière à faire diminuer de manière habile le nombre de mes ennemis potentiels, en cherchant par exemple à comprendre la manière de penser de chaque interlocuteur pour en anticiper les désirs et ainsi les satisfaire ou bien les fuir. Alors à vrai dire, la plupart du temps, cette envie de plaire, elle s'est surtout manifestée par une forme de ce que François Julien appellerait de relativisme paresseux, qui m'amenait juste à penser, bah, après tout, il ou elle a raison aussi. On peut aussi voir les choses comme ça, donc finalement j'étais d'accord avec tout le monde. Mais si ce relativisme était bien pratique pour ne jamais entrer en conflit avec quiconque, j'ai découvert qu'il était encore plus efficace quand on l'accompagnait de ce que j'appellerais un solide sens de l'humour. C'est-à-dire en fait que j'ai réalisé que un éclat de rire était souvent un bon moyen, une sorte de stratégie disruptive, pour reprendre des termes de management d'ailleurs, pour casser une situation de tension. C'est-à-dire qu'en fait, un gag, c'est une sorte d'irruption inattendue, en général, au cours d'un récit. C'est une utilisation de la surprise. Plus grande est la fracture, plus énorme est le rire. Mais par contre, je précise là que je ne parle pas d'une surprise qui viendrait de nulle part. On parle de quelque chose qui advient, mais qui en fait a été préparé bien en amont. C'est-à-dire que l'humour n'est pas quelque chose qui est en réalité si inattendu. Donc, quand il y a effet de surprise, il y a donc irruption de l'impensé. C'est un peu comme ça que je vais l'évoquer dans ma spécialité. C'est aussi à cette époque de ma vie que j'ai découvert en particulier l'efficacité d'une forme particulière d'humour qui est l'auto-ironie. Parce que prendre le parti de se moquer de soi-même, c'est une manière imparable de prouver qu'on est inoffensif. On s'en prend à soi-même, on ne risque pas d'offenser qui que ce soit. Donc utiliser l'auto-ironie, c'est un moyen extrêmement efficace pour être accepté en société. C'est aussi, on le sait, un moyen très efficace de couper l'herbe sous le pied d'un adversaire potentiel. On connaît la fameuse tirade de Cyrano, qui est l'exemple type de ça. Il se trouve que cette forme très particulière d'humour, qui est l'auto-ironie, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, nécessite, de la part de qui veut la pratiquer, la construction de miroirs intellectuels qui puissent lui permettre, un peu à la manière des rétroviseurs d'une voiture, ou plutôt en fait comme les glaces en vis-à-vis qu'on trouve dans les magasins de vêtements, de se voir soi-même sous tous les angles, de dos, enfin, on voit comment on est derrière en fait, de manière anticipée et donc contrée par la plaisanterie, les éventuelles critiques. Un des outils, par exemple, quand je parle de miroir intellectuel que j'ai énormément utilisé, c'était quand j'ai appris que souvent, quand on trouvait à quelqu'un un défaut énorme qu'on ne pouvait pas supporter, c'était en fin de compte une référence à quelque chose qu'on a en nous, et éventuellement à un de nos propres défauts. Ça, je l'ai utilisé tant et plus, parce que ça me permettait de me dire, tiens, je suis en train de m'énerver sur machin truc, ah, peut-être qu'en fait, je suis comme lui, peut-être qu'on est en comparaison, plutôt en compétition. Donc ça, c'est un effet de miroir intellectuel que j'ai énormément utilisé. Là encore, tout cet effet de préparation, d'auto-préparation, c'est exactement, pour bien faire comprendre cette idée, c'est exactement comme si vous êtes en judo, vous connaissez une prise par cœur parce que vous savez comment contrer un type d'attaque, ben vous allez l'utiliser spontanément parce que vous la connaissez par cœur. C'est ce que j'appelle l'irruption inattendue de quelque chose. En fait, c'est attendu. Par contre, si on ne connaît pas ses défauts, on ne va pas préparer cette prise de judo. Donc quand il y a une attaque nouvelle qu'on n'a pas vu venir qui arrive, on ne sait pas comment réagir. L'humour, c'est une sorte de gymnastique mentale qui fait qu'on réagit immédiatement à quelque chose parce qu'on a déjà été préparé. Et c'est particulièrement vrai dans l'auto-ironie. J'ai donc été amené à pratiquer assidûment le fameux « connais-toi toi-même », mais, vous l'aurez compris, pour des motifs complètement différents de ceux de Socrate, enfin à moins que Socrate ait été pourri à l'école par ses petits camarades de classe, ce qui est aussi possible. Donc cette façon d'anticiper les critiques fait au passage, bien entendu, partie des qualités d'un auteur, on va le voir. Alors par la suite, je vous rassure, ce profil psychologique original a été amené à se modifier, un petit peu. Par exemple, si j'utilise encore l'auto-ironie, c'est quand même avec un peu plus de parcimonie, après avoir compris, entre autres, qu'elle pouvait participer involontairement à dégrader une estime de soi qui parfois était pas si vaillante que ça. D'autre part, cet écart constant vis-à-vis de soi-même, s'il permet une distance réfléchissante, critique, intellectuellement intéressante, peut s'avérer néfaste si elle amène le sujet qu'il pratique à n'être plus que le voyeur, en fait, de sa propre vie, au lieu d'être acteur. Donc en fait, si on repart sur cette idée d'écart, ce que je trouve intéressant, c'est l'entre-deux, passer d'un pied sur l'autre, ce que vous évoquiez jeudi soir. Alors quant à mon relativisme à toute épreuve, où il a été secoué par de nouveaux cercles d'amis, intellectuellement un peu plus exigeants que moi, et a été remplacé avec bonheur par un désir de comprendre plus profondément le monde qui m'entourait. Un désir qui prend chez moi la forme d'une curiosité insatiable, en particulier pour les avis contradictoires. J'ai donc régulièrement le réflexe, quand je commence à être convaincu de quelque chose, d'aussitôt vouloir être dérangé par une opinion opposée. C'est ce n'est plus in fine pour qu'à la fin tout se vaille, mais bien pour approcher d'une forme, appelons ça de vérité intellectuelle et philosophique, d'aucuns diraient universelle, mais je me méfie un petit peu de ce terme. Alors, bien entendu, j'imagine que même solide et étayé, comme je viens de le dire, ce besoin de tout comprendre est encore, sans doute, au service d'une motivation psychique plus profonde, celle de ne jamais être pris au dépourvu. Donc il y a là, visiblement, un désir de contrôle, qui est encore très très fort. Désir de contrôle évident que, fort heureusement, je n'en doute pas, François Julien a déjà dépassé depuis bien longtemps. C'est là l'apanage des grands sages assis sur leur colline. Je pense. Je referme cette parenthèse psychologique sur moi. Honnêtement, je pense que c'était intéressant parce que je crois que c'est intéressant de voir pourquoi on devient aussi scénariste. On a vu apparaître un certain nombre de qualités nécessaires à mes yeux, à la plupart des auteurs de littérature dite de genre. Et c'est pour ça que maintenant, il faut que je vous définisse très rapidement ce que j'appelle le genre. J'inclus dans le genre le fantastique, la science-fiction, le policier, donc les récits criminels, l'humour, l'horreur, mais aussi, si on sort de la stricte littérature, la plupart des ce qu'on appelle les blockbusters américains, ces grosses machines qui sont là pour divertir les gens. Et bien entendu, la bande dessinée dite populaire, que j'affectionne particulièrement, même si je tiens à préciser que la bande dessinée n'est pas que cela. Elle n'est pas que bande dessinée populaire, comme on l'a vu par exemple avec des chefs-d'œuvre comme Maus de Spiegelman. Mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la bande dessinée populaire. Et les exemples que je vous ai montrés sont plus de l'ordre de la bande dessinée populaire. Par contre, je vous ai amené un contre-exemple qui s'appelle Jolies Ténèbres, qui typiquement est un récit allusif, un récit où la raison perd prise et qui m'a valu un certain nombre de clashs avec des lecteurs peu habitués à ça. Je ne l'ai pas, en fait, dans les exemples. Alors, on pourrait qualifier cette littérature, c'est une appellation que j'aime bien, de littérature foraine, dans le sens où elle vise souvent à créer chez le lecteur une sensation forte, des surprises, des moments de terreur ou de fou rire, un peu à la manière des montagnes russes ou du train fantôme, en utilisant pour ça des grands moyens, ce que j'appelle des grosses ficelles, des rebondissements, des coups de théâtre, ce qu'on appelle les cliffhangers, mais aussi des ingrédients spectaculaires comme des volcans en éruption, des dinosaures agressifs, des crimes odieux, des soucoupes volantes, etc. Tout autre procédé tape à l'œil, qui paraîtront sans doute d'assez mauvais goût à l'amateur de vraie littérature, mais qui ont gardé un charme intact pour qui a su préserver une âme d'enfant, ce que j'ai fait. D'autant qu'ici, comme ailleurs, il faut se méfier des apparences, car sous les oripeaux multicolores, on va dire, de cette littérature foraine, peuvent se cacher des sous-textes plus profonds qu'il y paraît. Un peu à la manière dont certains adages, je vais appeler ça comme ça, communs, que cite François Julien dans un de ses livres, comme « No comment » ou « Il faut de tout pour faire un monde », qui sonnent comme autant d'ailleurs de refrains de chansons populaires, c'est souvent devenu des chansons populaires, peuvent parfois receler une sagesse insoupçonnée. Donc je crois que c'est la même chose avec ce que j'appelle la littérature foraine. Il faut se méfier de la réduire à quelque chose qui serait un amusement et un pur divertissement. Alors j'en reviens aux qualités que je pense importantes pour un auteur de genre. J'en vois trois principales. Un bon auteur de genre, primo, devra être capable d'anticiper donc les pensées du lecteur, ses critiques, et surtout d'en jouer pour créer la surprise. Alors c'est particulièrement vrai des intrigues policières à chute. On doit prendre par surprise le lecteur et lui faire croire quelque chose, et à la fin, la chute est différente. C'est vrai de l'humour, je l'ai dit, où la surprise est primordiale. Mais on peut généraliser ça, en fait, à la plupart des récits de genre, pour une raison très simple. C'est que le public habituel, on va arriver vers un paradoxe, le public habituel d'un récit de genre a des attentes qui peuvent paraître contradictoires. C'est-à-dire qu'un public de récit de genre veut être rassuré et malmené. On va prendre l'exemple du western. Si on aime le western, on veut trouver un quota d'éléments propres au western. Un duel au soleil, un shérif intransigeant, des indiens rusés, etc. Mais ce même lecteur sera le premier à râler face à un western un peu trop truffé de clichés, comme un duel au soleil, un shérif intransigeant, des indiens rusés. Donc en réalité, cette contradiction n'en est pas une. Ça fait partie des outils qui m'intéressent dans la pensée de François Julien. Je crois que le lecteur veut à la fois être en terrain connu, familier, rassurant, satisfaisant, et en même temps, à l'intérieur de ce terrain connu, il demande, il exige d'être surpris. Donc un auteur de genre doit constamment chercher un équilibre entre le connu et l'inconnu, le déjà-vu et l'originalité, le cliché et la surprise. Donc l'auteur de genre doit anticiper les attentes du public. Ça veut dire prévoir ce qu'il va penser, ça veut dire devancer ses critiques, en quelque sorte, penser l'impensé du lecteur, pour le surprendre. Il y a un parallèle qui me semble assez intéressant là-dessus, c'est de dire que la littérature de genre est assez proche de ce que fait un illusionniste qui a promis de faire apparaître une colombe, par exemple, mais qui sait aussi comment attirer l'attention du public dans une direction opposée à celle du lieu où a lieu ce fameux truc. Le public garde en effet les yeux rivés sur, par exemple, les mains du magicien. Il attend le truc, il sait qu'il va y avoir truc. Mais le vrai truc a lieu ailleurs, dans un espace-temps qui est impensé du public. Je vais citer un exemple. Robert Houdin, dans son tour de télépathie. L'impression que ça donne, c'est qu'il choisit quelqu'un dans la salle et qu'il sait tout de cette personne. En réalité, dans une période en amont du tour, qui était la file d'attente du théâtre, il volait les papiers de la personne qu'il avait choisie, lisait les informations de ces papiers, remettait les papiers dans la poche de la personne sans qu'elle s'en rende compte. Elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle ne sait pas que ça va arriver. Elle est dans l'impensé du tour de magie. Une fois dans la salle, par contre, cette même personne est aux aguets, à l'affût de ce qui va se passer. Et c'est trop tard. Le tour a eu lieu avant. Et on a l'impression en fait, qu'il arrive à ce moment-là, mais en fait, de la même manière que les transformations silencieuses, l'effet de surprise arrive bien après ce qui s'est préparé en amont. Un auteur de genre fait exactement pareil. Il va dissimuler jusqu'au dernier moment un indice majeur, l'identité du criminel, l'astuce finale, etc. Une deuxième qualité bien utile pour l'auteur de genre, c'est de savoir utiliser à bon escient le biais, l'oblique, le détournement. Je pense en fait que la littérature genre peut s'attaquer à tous les sujets, en particulier les plus sérieux, mais qu'elle se gardera bien de le faire frontalement. Bon, déjà parce qu'on n'attend pas ça de la littérature de genre, on n'attend pas qu'un récit d'horreur nous parle de la réalité, et pourtant ça peut le faire. Un récit policier souvent nous parle du réel par le biais d'une intrigue policière. Alors, une des raisons de ce contournement pour ne pas aborder les choses sérieuses de manière frontale, c'est avant tout ne pas s'aliéner le public. Un auteur de genre veut être lu, et il le dit. Ce n'est pas toujours le cas de tous les auteurs dits de grande littérature, qui prétendent que ce n'est pas forcément leur but. Mais l'auteur de genre le sait et il l'assume. Il veut être lu. La pop culture n'est pas du tout pop, elle n'est pas populaire si on est dans l'ombre. Donc un auteur de genre veut être lu. Or, vouloir s'attaquer de manière trop manifeste à des sujets difficiles, c'est quand même avec la meilleure volonté du monde, c'est prendre le risque mortel, en termes commerciaux, de n'intéresser que quelques personnes déjà convaincues, les rares curieux prêts à lire un ouvrage un peu âpre, c'est ce qu'on appelle, c'est prêcher en fait aux convertis. Alors que ce qu'on appelle une approche mainstream, divertissante, n'interdit pas forcément d'aborder les sujets graves auprès d'un vaste public, pour peu qu'on prenne la peine d'y aller par la bande, de manière indirecte, en peaufinant un sous-texte, ce que j'appellerais une subversion, une version cachée dessous. Et la subversion, c'était d'ailleurs souvent ça, quelque chose d'important qui se disait sous le texte. Cette approche de biais apporte d'autre part pour l'auteur une forme de légèreté, je dirais, vis-à-vis de l'éventuelle gravité d'un sujet. En fait, quand je dis ça, j'ai en tête un exemple concret. C'est qu'en ce moment, j'ai un projet qui va traiter de la guerre d'Algérie, mais sous la forme d'une uchronie. Je rappelle qu'en science-fiction, l'uchronie, c'est la réécriture de l'histoire à partir de la modification imaginée d'un événement du passé. Typiquement, c'est par exemple « Et si les nazis avaient gagné la guerre ?» Et on imagine la suite. L'uchronie, c'est un des outils très utiles que la science-fiction met à ma disposition, par exemple, pour avancer de biais. Je précise que je suis fils de militaire et que donc cet épisode de la décolonisation, ça reste un tabou familial assez fort. Je pense qu'en fait ça reste un tabou national à peu près pour tous les Français. Et donc j'ai longtemps eu du mal à trouver l'axe d'approche de ça. À chaque fois que je voulais faire un récit sur l'Algérie, je me heurtais à cette difficulté d'être trop frontal. En fait, comme tout événement traumatique ou transgressif, et pour reprendre une phrase célèbre de La Rochefoucauld parlant de la mort, je pense que le conflit d'Algérie, comme le soleil, ne se peut regarder en face pour de nombreuses personnes. J'ai donc choisi d'en observer un reflet déformé, celui d'un récit fantastique, une uchronie oblique, me permettant de parler du sujet sans en avoir l'air, en y mettant en fait une distance plutôt salvatrice. Parce que je crois qu'on peut aussi prendre le mot divertissement dans ce sens-là. Ce qui nous divertit, ce qui a tendance à être assez péjoratif quand on emploie ce mot, c'est pas forcément ce qui nous détourne de nos soucis, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément que ça. Je crois que ça peut aussi nous permettre d'observer ce qui fait souci avec la distance nécessaire, ce qui est très différent. Donc j'espère que moi, mon récit me permettra ça, d'arriver à la fois à toucher un vaste public et de parler de choses qui me sont chères. La troisième qualité attendue d'un bon auteur de genre et d'un bon auteur tout court, c'est qu'il soit capable de comprendre et retranscrire avec précision ce que ses personnages sont censés penser. Et ce même quand ses personnages sont autres, infiniment éloignés de lui. Donc, pour reprendre une expression de François Julien, on attend d'un auteur qui soit capable d'entrer, d'une certaine manière, dans la pensée de chacun de ses personnages. Ce que faisait par exemple Simenon, en termes de littérature policière, de manière épatante, parce qu'il arrivait à faire parler avec autant de justesse un cordonnier ou un notable ou un criminel. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais là où le jeu intellectuel se corse dans la littérature de genre, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand l'auteur de science-fiction en particulier ne se contente pas de comprendre l'être humain, ce qui est déjà un gros boulot, on est là pour ça, mais s'essaye à imaginer des formes d'intelligence à venir, qu'il s'agisse de nos lointains descendants, qui seront probablement aussi infiniment proches et différents de nous que nous sommes infiniment proches et différents de nos ancêtres, ou bien d'extraterrestres, ou encore d'intelligence artificielle. Soit en passant, il y a des expériences qui montrent, par exemple, qu'il y a des robots qui sont en train de créer leur propre langage entre eux, qui est un langage qu'on ne comprend pas. C'est intéressant, ils ont mis un langage en place pour échanger entre eux, mais qui est un langage auquel on n'a pas accès. Donc voilà une piste qui est très stimulante dans la science-fiction. Alors, bien entendu, je ne parle pas de la mauvaise science-fiction. Hein, ce que j'appelle la mauvaise science-fiction, c'est quand un extraterrestre, c'est un homme qu'on a repeint en vert dans tous les sens du terme, sa façon de penser et son corps. Je parle d'une science-fiction plus exigeante que ça. Sauf que ça pose un problème que je vous expose rapidement, mais que je trouve intéressant intellectuellement, c'est comment un auteur humain va penser de manière extra-humaine, penser d'un dehors la condition humaine. C'est un penser, là, a priori, il est hors de portée, par définition. Ce qu'un écrivain d'horreur comme Lovecraft avait très bien compris quand il écrivait, à propos des entités inhumaines et terrifiantes qui sont dans tous ses récits, qu'elles appartenaient à l'indicible. D'ailleurs, c'est un peu un cliché de Lovecraft. À chaque fois qu'il était face à une créature terrifiante, il disait « Et là, il était face à l'indicible. » Et en général, le personnage devient fou et on s'arrête là. Parce que justement, on peut pas décrire l'inhumain absolu. On a beaucoup de mal à le faire, en tout cas. On essaie, en fait. C'est pas impossible, mais on essaie. Alors, comment on fait? C'est là qu'on peut remettre le flash. Voilà. Il y en a qui ont pris le parti, dans les années 30, de s'inspirer de civilisations étrangères. D'époque reculée, comme le fit par exemple Alex Raymond avec son héros Flash Gordon. Alors, la stratégie peut superficiellement faire penser à celle de François Julien, mais en fait non, parce qu'elle n'a pas dépassé l'accumulation de clichés orientalistes en fait. C'est-à-dire qu'en gros, pour Alex Raymond, les Martiens sont, on le voit, comme des Chinois, mais donc plutôt cruels, fourbes, sournois. Voilà, c'est le résumé, il est là. Et on voit ici Flash Gordon qui est face à un extraterrestre, hein, je vous le rappelle. Là, c'est. Voilà. Donc, on voit bien que la stratégie, elle a ses limites, surtout quand la connaissance de cette civilisation dite éloignée est partielle, pour ne pas dire uniquement bourrée de clichés. Bon, par la suite, la connaissance des autres cultures de la planète, par les auteurs de SF, s'est heureusement affinée. Mais là encore, la prise de conscience aussi s'est affinée qu'on ne pouvait décidément pas s'inspirer de civilisations humaines, aussi distantes soient-elles, pour parler de civilisations extra-humaines. Alors, une autre solution possible, on peut mettre l'illustration suivante, c'est celle de l'auteur américain Robert Heinlein, qui dans un livre qui s'appelle Étoile au garde-à-vous, qui a inspiré le film Starship Troopers, a imaginé une civilisation à l'intelligence collective, basée sur le modèle des fourmis. Bon, ici c'est transformé par la magie d'Hollywood, c'est devenu plutôt des gros scarabées, mais qu'importe, il le présentait comme une civilisation intelligente, mais basée sur une intelligence collective. Alors, d'une manière générale, s'inspirer des animaux ou même des plantes, c'est effectivement une piste de réflexion très crédible en termes de prospective intellectuelle, parce qu'il est possible qu'une forme de vie et d'intelligence extraterrestre puisse se rapprocher d'une espèce déjà connue de nos chercheurs. Mais là où il y a un problème qui se pose pour l'auteur de littérature foraine, c'est qu'il ne doit pas juste être crédible, il doit surprendre ses lecteurs. Or, ça pose un problème à l'ère de l'information, c'est que les modèles exotiques, animaux, orientaux, ne surprennent plus personne. Via Internet, le moindre enfant peut tout savoir, en vrac et dans le désordre, sur le monde des fourmis, les civilisations mayas, la vie sexuelle des poulpes, etc. Un peu à la manière des derniers pans de forêt vierge en Amazonie, les derniers modèles exotiques, au sens de différents, qui pourraient inspirer des créateurs désireux d'être originaux, semblent s'amenuiser et disparaître. Alors qu'est-ce qui reste comme solution à un auteur de genre en mal d'inspiration? J'en reviens un peu à notre sujet. Je crois que, justement, il nous reste la philosophie, il nous reste l'invention poétique. La philosophie, tout d'abord, en ceci qu'elle aide à repenser sans cesse ce qui nous entoure, à interroger même ce qui paraît de l'ordre de l'évidence, ce qui ne paraît plus interrogeable, à commencer donc par le quotidien. On peut alors retrouver l'inquiétante étrangeté, le unheimlich, dirait Freud, du quotidien, pour peu qu'on ne reste pas à la surface des choses. En ce sens, le travail de François Julien devient précieux, parce qu'en interrogeant l'évidence, même la façon de penser occidentale, je crois que les philosophes nous permettent de redécouvrir des pans entiers d'étrangeté, d'exotisme, ce que j'appellerais un exotisme de proximité, si vous me permettez cette espèce de néologisme. Et l'invention poétique, pourquoi? Parce qu'elle permet des inventions complètes, des inventions totales, ce que j'appellerais des pirouettes intellectuelles, par définition étrangères à la raison. On parle en effet de licence poétique quand un auteur s'autorise des libertés par rapport à la logique attendue des choses. Alors, les moyens d'obtenir ces inventions poétiques varient d'un auteur à un autre. Certains ont fait appel à leur seul imaginaire. D'autres ont usé et abusé de drogue, comme Philippe K. Dick, ou même sont devenus fous, comme Philippe K. Dick. En ce qui me concerne, j'utilise une autre méthode, un peu moins dangereuse, qui est celle des collages surréalistes. Alors, il doit y avoir un exemple avec l'image suivante, qui occasionne par l'intercession du hasard des rencontres impossibles, donc impensables, entre des éléments a priori hétérogènes, voire même des éléments contradictoires ou des éléments antinomiques. C'est en ce sens que pour moi, les collages surréalistes sont percutants. Alors, il y aurait tout un truc à dire là-dessus, mais on n'aura pas le temps. Et c'est par exemple, je vais continuer, on le montre rapidement. C'est par exemple avec cette méthode que m'est venue une des idées de l'album de science-fiction que j'ai évoqué, Les derniers jours d'un immortel, pour lequel je cherchais des espèces extraterrestres réellement étonnantes. J'ai donc imaginé, à la suite d'un collage, l'existence d'une espèce. Alors, il faut que j'essaie de vous expliquer ça le mieux possible, dont les embryons encore en gestation dans le ventre de leur mère sont considérés comme juridiquement majeurs, et puis comme mineurs quand ils sortent du ventre de leur mère. Faisant fi de toute réalité, donc, j'ai tout simplement trouvé amusant et intellectuellement stimulant d'imaginer des embryons majeurs contrôlant par télépathie des adultes mineurs et les utilisant pour des tâches aussi viles que travailler, se nourrir ou se reproduire. Alors, on pourra m'objecter que ces inventions poétiques s'éloignent passablement de la réalité et qu'elles ne peuvent donc plus prétendre à un compte-rendu objectif du réel. Mais un tel constat, en fait, me semble un peu hâtif, car tout le paradoxe de l'invention poétique, c'est que si elle s'affranchit effectivement de la raison pure par une forme d'écart, elle ne s'éloigne pas forcément d'un même mouvement de la réalité, car il serait tout à fait réducteur et un peu triste, en fait, de réduire la réalité à ce que notre seule raison en saisit. Ou pour le dire différemment, l'invention poétique peut ressembler de prime abord à une forme de mensonge, mais qui a cependant l'étrange capacité de nous ramener à la vérité en ayant été comme enrichi, je dirais même réenchanté, du fait même de cet écart apparent vis-à-vis du réel. Ne reste alors plus à la raison, après ça, parce que je ne prône pas l'abdication de la raison, mais il ne reste plus à la raison qu'à saisir les leçons inattendues que lui apporte la poésie après ce détour. Alors, j'ai une conclusion, je vais essayer de la faire la plus courte possible, mais c'est un peu pour lancer une piste de réflexion. Parce que là, j'ai parlé de la manière de réanalyser ma façon d'écrire, mais en fait, dans les outils que nous donne François Julien, je crois qu'il y a aussi des outils pour modifier peut-être les mécanismes d'écriture. Et en particulier, le modèle sous-tendu par la dramaturgie grecque. Alors là, j'aimerais bien qu'on montre, si c'est possible, la toute dernière modèle dramaturgie. Voilà. Ça, typiquement, vous avez ici un résumé de la grammaire de narratologie, telle qu'on la trouve dans des bouquins comme La dramaturgie de Yves Lavandier, qui est le best-seller des scénaristes en France, ou Story de McKee, qui est la bible des scénaristes à Hollywood. Avec ce modèle, on va nous expliquer qu'un récit, il y a une tension crescendo, ce qui est montré par, en bas c'est la chronologie, sur le côté, en fait c'est la tension du lecteur ou du public. Donc il y a un élément déclencheur, souvent qui arrive au premier acte, une montée en puissance des obstacles auxquels est confronté le protagoniste, et qui aboutit à un climax, qui en anglais veut dire orgasme, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le moment culminant de l'action, une résolution. Le héros parvient ou pas à atteindre son objectif, et c'est la fin du récit. Tous ces ouvrages nous disent qu'un récit efficace, c'est ça. Donc c'est un protagoniste, souvent un héros, qui a un objectif, qui surmonte des obstacles. Plus forts sont les obstacles, plus forte est l'histoire. Hitchcock l'avait dit différemment, meilleur est le méchant, meilleure est l'histoire. Donc on est dans l'idée d'une tension croissante, avec le plus grand des obstacles possibles que rencontre un héros. Et il l'emporte en général de manière spectaculaire, et il l'emporte d'extrême justesse à la toute fin du récit. Ce, pour qu'on ait envie de lire le récit jusqu'au bout, en fait. Donc l'art du bon narrateur, c'est de doser les obstacles, de les faire monter en puissance, en s'assurant qu'on ait une empathie vis-à-vis du protagoniste. Ce modèle est présenté dans ces livres comme universel. Alors qu'en fait, il me paraît maintenant universellement occidental. Comme semble le démontrer François Julien, qui avance que les récits chinois, si j'ai bien compris, ne vont pas du tout se présenter de la même manière, et d'une certaine façon, ce qu'on appellera nous les épopées, sont absentes de la culture chinoise, puisque la réussite d'une action peut se faire à travers des transformations silencieuses, d'autant plus efficaces qu'elles restent invisibles. Sauf que si je reprends la métaphore du végétal, je ne raconterai pas l'histoire d'un arbre qui pousse. Je ne peux pas le raconter sur le modèle occidental, parce qu'un arbre qui pousse, c'est pas ça. C'est quelque chose qui se fait tout du long. soit en passant, et j'y ai pensé pendant tout ce que vous avez dit ce matin, parce que c'était passionnant, il y aurait tout un truc à dire sur le parallèle entre la métaphore végétale et l'inconscient et la façon dont je trouve mes idées, qui se fait très en amont du moment où j'ai mes idées. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, juste pour terminer, parce que j'en suis presque dans les temps, hein, ce qui m'embête avec ce modèle occidental, en fait, c'est que, bon, il est effectivement efficace vis-à-vis des attentes du public occidental. Donc, moi, en tant que scénariste, je dois connaître ce modèle. Maintenant, il me paraît éminemment questionnable, et d'un point de vue presque éthique. Cette question, elle est d'autant plus importante que ce modèle, il est utilisé de plus en plus en dehors de la fiction en tant que telle, mais via des stratégies de ce qu'on appelle le storytelling, dont vous avez déjà entendu parler, qui dépasse de loin le cadre de la littérature populaire, et envahit, en fait, l'ensemble des médias. C'est-à-dire que, bon, je vais donner un exemple tout bête qui vient d'arriver. Voyez la manière dont, à toute force, on a voulu nous présenter le débat de l'entre-deux-tours pendant les élections comme le grand moment culminant où tout allait se décider. Alors qu'on sait, en plus, on n'est pas dupes, on sait bien que c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Il n'empêche que, le lendemain du débat, tous les commentateurs étaient en train de dire quelle a été la phrase qui a fait basculer le débat. Comme Mitterrand à une époque, comme Giscard à une autre, avec le monopole du cœur, etc. On attend le climax, en fait. Et les médias vont nous vendre quelque chose qui est de l'ordre du climax. Ça, je trouve ça éthiquement interrogeable et questionnable. Parce que si c'est mis en avant comme un modèle à suivre, comme la seule manière de faire irruption dans le réel et dans les médias, ça pose quand même beaucoup, beaucoup de questions. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est très intéressant et très excitant intellectuellement de remettre en question ce modèle. Donc, est-il possible de repenser la dramaturgie grecque, de proposer une histoire capable d'intéresser un public occidental? Parce que c'est ça mon problème, c'est que je dois gagner ma vie. Donc je dois intéresser mon public. Et si je raconte l'histoire d'une plante qui pousse, je ne l'intéresse pas. Donc comment je vais arriver à intéresser ce public, mais sans succomber à la tentation du spectaculaire, ou pas trop, parce que si vous voyez mes BD, vous verrez qu'on est quand même à fond en spectaculaire, ni à une dramatisation quasi idéologique de ces fameux instants clés qui sont très différents des moments évoqués tout à l'heure, comme le moment à saisir, l'opportunité. L'instant clé, je le prends ici dans l'idée du climax, cette idée du point culminant, le moment où un individu, si je reviens un peu le côté idéologique, donc souvent seul, l'emporte au dernier moment par la force immédiate et soudaine de sa volonté. Ça, c'est ce que je voudrais remettre en question. Le problème, c'est comment je le fais sans m'aliéner mon public. Et c'est typiquement ce que j'essaie de faire avec la série Seul, qui a une façon d'être présentée qui est assez manichéenne. Ça ressemble à un combat entre le bien et le mal. Mais j'ai envie, de manière sous-jacente, de manière souterraine, par des rhizomes, de présenter une façon des choses qui soit peut-être idéologiquement différente. Mais ce travail-là, je ne pourrais pas le faire de manière frontale, je vais le faire de manière de l'ordre de la transformation silencieuse, c'est-à-dire au fur et à mesure des albums. Voilà, je vous remercie.